Exercice 5, page 120. A. Pourquoi tu le bois? B. Pourquoi tu le coiffes? C. Pourquoi tu le crois? D. Pourquoi tu le suis? E. Pourquoi tu le fuis? F. Pourquoi tu le cuis?